je sois indifférent. La vie m'impose certaines tâches qui sont parfois mon temps. Et pourquoi refuses-tu de comprendre? Tout ce que je fais n'est que pour toi. C'est évident, je t'aime. Il ne suffit pas de dire que tu m'aimes, faut bien me le prouver. Ne me considère pas comme une possession, comme un bien acquis. T'as pas changé, boulot, tes horaires sont les mêmes, pourtant rien n'est pareil. T'as plus de temps pour moi, je me sens négligée, tout à fait délaissée. Hey, moi aussi je peux te blâmer. Où est passée la femme charmante au sourire attrayant? C'est un rapport de cause à effet. Mes efforts passent inaperçus, alors je ne sais même plus. À ce jour de blâme, nous n'en finirons pas. Je te le jure. Je veux seulement que tu me traites comme tout au début, comme une fleur fragile. Rends-moi le sourire, la chaleur au cœur et la joie de vivre. Les séances de ciné nous liant tête à tête me manquent énormément. Sylvie, ton corps, nous devons ensemble d'une façon ou d'une autre sauver notre amour. Pour même moi donc, jour et nuit tu travailles sans relâche, ça en vaut la peine. Dans une relation, faut tout donner. L'amour très insatiable, très égoïste. Tout comme une fleur, faut toujours arroser. Puisse-nous en harmonie, puisse-nous en agrandir. Se réconcilier après une dispute et d'être heureux. Si du manque d'attention et moi de l'affection. Cela crée une tension qui cause beaucoup de peine. S'il nous faut protéger ce que nous partageons, les bandes de tes gens ne peuvent être ignorées. Pouvoir se réconcilier après une dispute et d'être heureux.